Vous. Elles ont juste. J'ai des flashs de toi. Yeah. Marionnette triste. Hein? Ok. Hein? On sera pas plus heureux dans l'Urus. Je connais plus de gens heureux qui descendaient du bus. On fait semblant tout dans le paraître alors qu'on sait qu'on va disparaître. Mais le diable te dit jamais arrête. Je vais pas te mentir, je connais pas les femmes. Mais j'ai compris ce qu'elles attendaient de moi. Je suis sur Telegram, je vais compter les grammes. Je veux plus gérer le découvert jusqu'à la fin du mois. Je suis dépassé comme avec Kwakubé. J'ai cherché l'amour, pourquoi j'ai pas trouvé. On n'a pas attendu d'être albinos pour se cagouler. On est cicatrisé mais jamais tatoué. Ça fait 10 piges que je fume, j'ai toujours pas roulé. La selle a parti pour Paname, passera par Roubaix. Hey, ta poupée veut surtout pas me louper. Je dois y aller, je finirai par la coupler. Fallait rester fort quand j'ai remonté la pente. Accoudé sur le bar, j'ai des flashs de toi. T'as fermé à clé donc j'ai cassé la porte. J'ai dû faire des dingueries pour que tu te souviennes de moi. On sera pas plus heureux dans le Panamera. À peine arrivé à Keshmara, on repart à Meuda. On fait les choses à l'envers, normal que ça parte en couille. Je suis pas parti bien loin, je suis encore dans les alentours. Retour à la raison, les phalanges ont des fractures. Frappé dans les boîtes aux lettres, ça pas réglé les factures. T'as beau refaire la peinture, j'ai maté les fondations. Je me laisserai plus jamais, jamais guidé par ma passion. Si t'as gagné au jeu, j'ai pas joué. Désolé si en amour, moi je suis pas doué. Quand je me retourne, toujours fier de mon parcours, mais il manque comme une partie, je suis comme amputé. J'ai cherché l'amour, pourquoi j'ai pas trouvé. Bras dessus, bras plus, caution annulée. Hey, hijo des Luna, toujours mal luné. Ils sont en mode, hijo des putas, toujours allumé. Fallait rester fort quand j'ai remonté la pente. Accoudé sur le bar, j'ai des flashs de toi. T'as fermé à clé, donc j'ai cassé la porte. J'ai dû faire des dingueries pour que tu te souviennes de moi. Fallait rester fort quand j'ai remonté la pente. Accoudé sur le bar, j'ai des flashs de toi. T'as fermé à clé donc j'ai cassé la porte. J'ai dû faire des dingueries pour que tu te souviennes de moi. Marionnette triste. Triste.